fois ce gamberge, c'est quoi tu restes. Je fais que rouler toute la nuit. Je croyais que tu étais mon ami. Je me confie à toi, tu racontes toute ma vie. Une fois ce gamberge, c'est quoi tu restes. Je fais que rouler toute la nuit. On s'était dit pour la vie. On se tarie que le rani. J'allume une clope, j'pense à la journée d'hier. Soleil au zénith, j'suis fracas, j'ai même pas fait ma prière. Le temps c'est des hassanades, c'est de l'argent aussi. Comme toi j'suis malade, j'cours après ce qui m'échappe, j'm'épuise aussi. Néné fais-en un, j'arrive plus à dormir. Panique, j'souffre, mon cœur est malade, mon âme veut se repentir. Je recherche l'antidote. Yuma, pardonne ton fils. Je suis dans un bloc. Clope et des clopes, y'a de la piste. Des fois, gamberge, j'écoute du Hesni. Je fais que rouler toute la nuit. Je croyais que tu étais mon ami. Je me confie à toi, tu racontes toute ma vie. Des fois, gamberge, j'écoute du Hesni. Je fais que rouler toute la nuit. On s'était dit pour la vie. On se tarie, clou de la nuit. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Les mêmes faites pour de l'or, les menottes en argent. J'ai tourné, j'ai perdu mon temps. Les mêmes faites pour de l'or, les menottes en argent. Toi tu veux me voir couler. J'ai fumé, je me suis saoulé. Mais je me suis jamais écroulé. J'connais le vrai visage des gens. Quand t'es en chien, y'a personne qui t'attend. Moi je veux de l'or et de l'or et de l'or. J'ai tourné, j'ai perdu mon temps. Les mêmes faites pour de l'or, les menottes en argent. J'ai tourné, j'ai perdu mon temps. Les mêmes faites pour de l'or, les menottes en argent. Quoi, toi, qu'est-ce que tu connais de ma vie? Petit berbère est devenu prince de sa vie. J'ai donné, j'm'en bats les couilles des gâtis. J'veux juste une ville à piscine pour Alia et Djibril. Je tire de trois barres et je plane. J'entends à ma gauche le chétan qui ricane. L'envie de tout brûler ramène un jerrican. J'suis entre deux flammes. J'ai tourné, j'ai perdu mon temps. Les mêmes